الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture du livre قصص الأنبياء du Cheikh Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di رحمه الله. On est toujours dans la dernière histoire qui est l'histoire de notre prophète Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم. La semaine dernière, on s'était arrêté aux différentes situations auxquelles a fait face le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les polythéistes de la Mecque. ثم قال رحمه الله ومن مقاماته صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين الرأفة العظيمة والرحمة لهم والمحبة التامة والقيام معهم في كل أمورهم وأنه لهم أرحم وأرأف من آبائهم وأمهاتهم وأحنى عليهم من كل أحد كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فلم يزل يدعو إلى التوحيد وعقائد الدين ووصوله ويقرر ذلك بالبراهين والآيات المتنوعة ويحذر من الشرك والشرور كلها منذ بعث إلى أن استكمل بعد بعثته نحو 10 سنين وهو يدعو إلى الله على بصيرة. Et le prophète صلى الله عليه وسلم était envers les croyants doux et miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les croyants et faisait en sorte d'être à leur service et de répondre à leurs demandes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc plus de pitié envers les croyants que leur père et mère, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait énormément de compassion à leur égard. Comme l'a dit Allah azawajal, vous est venu un prophète faisant partie de vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, plein de sollicitude pour vous et compatissant envers les croyants. Et dans l'autre verset de Surat Ali Imran, Allah azawajal dit, et Allah a certainement comblé de bienfaits les croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un prophète faisant partie d'eux, qui leur récite ses signes et qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement manifeste. Et dans le verset de Surat Ali Imran également, le 159e verset, Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, c'est par une miséricorde d'Allah que tu as été si doux avec eux. Et si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient écartés de toi. Sois donc indulgent envers eux, demande le pardon pour eux et concerte-les dans les affaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cessé d'appeler au tawhid et d'enseigner aux croyants les bases de leur religion en appuyant cela par des preuves et des arguments diverses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les mettait en garde contre le polythéisme et contre tout mal, ceci depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation jusqu'à ce qu'il ait terminé son message. Et pendant 10 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à Allah azawajal avec clairvoyance, notamment lorsqu'il était à la Mecque. ثم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته وعرج به إلى فوق سب إلى فوق السماوات السبع، وفرض الله عليه الصلوات الخمس بأوقاتها وهيئاتها، وجاءه جبريل على أثرها فعلمه أوقاتها وكيفيتها، وصلى به يومين. اليوم الأول صلى الصلوات الخمس في أول وقتها، واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين. ففرضت الصلوات الخمس قبل الهجرة بنحو 3 سنين، ولم يفرض الآذان في ذلك الوقت ولا بقية أركان الإسلام، وانتشر الإسلام في المدينة وما حولها. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne de la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'à la mosquée de Jérusalem. Ici, min al-Masjid al-Haram, ce qui est connu dans la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son voyage nocturne d'où ? De la maison de Ummuhani. Et Allah Azza wa Jal a dit dans surat al-Isra, Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram. Gloire, ou que soit purifié, celui qui a fait voyager son serviteur de nuit de la mosquée de la mosquée sacrée jusqu'à la mosquée de Jérusalem. Et les savants en déduisent, notamment ceux qui considèrent que l'ensemble de la Mecque est une terre sacrée et que dans l'ensemble de la Mecque, eh bien, les prières sont multipliées par 100 000, ils utilisent pour preuve ce verset de Sourate al-Isra, car Allah Azza wa Jal a considéré la maison de Ummuhani comme faisant partie de Masjid al-Haram. Autrement dit que le mérite, notamment des prières, est valable dans toute la Mecque. Allah Azza wa Jal a donc fait voyager son prophète sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée de la Mecque jusqu'à la mosquée de Jérusalem afin de lui faire montrer ses signes subhanahu wa ta'ala. Puis, après le voyage nocturne, s'en est suivi l'ascension vers les cieux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah azza wa jal a élevé son prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus des 7 cieux. Et c'est notamment lors de cette ascension que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire les 5 prières en bi'awqatiha wa hay'atiha, en respectant les horaires ainsi que la façon de les accomplir. Puis, après cette ascension, le prophète Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam les horaires et la façon avec laquelle la prière doit être accomplie. Et Jibril alayhi salam est venu deux jours. Le premier jour, il a enseigné comment prier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est venu le premier jour au début de chaque heure. Puis le deuxième jour, Jibril alayhi salam a enseigné une nouvelle fois les prières au prophète sallallahu alayhi wa sallam et est venu à la fin de chaque heure. Et Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la prière a lieu entre ces deux horaires, entre le premier horaire et la deuxième horaire, pour définir le début et la fin de chaque horaire. Et bien sûr, les hadiths sont détaillés. Et le hadith notamment est dans les sunan, le sunan de l'imam Abi Daoud, le sunan de l'imam Tirmidhi, et dans bien d'autres recueils de hadith, dans le hadith de Abdullah ibn Abbas notamment. Ainsi, les 5 prières ont été rendues obligatoires avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à la Mecque, 3 ans à peu près avant la hijra. Et à ce moment, c'est-à-dire lorsque les prières étaient obligatoires, l'adhan n'avait pas encore été rendu obligatoire ni même le reste des piliers de l'islam. L'islam commençait à se propager petit à petit dans la ville de Médine et ses alentours. ومن جملة الأسباب أن الأوس والخزرج كان اليهود في المدينة جيران لهم وقد أخبروهم أنهم ينتظرون نبيا قد أظل زمانه وذكروا من أوصافه ما دلهم عليه فبادر الأوس والخزرج لما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتيقنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما اليهود فاستولى عليهم الشقاء والحسد فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. Pourquoi est-ce que lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم était à la Mecque, l'islam commençait à se propager à Médine et aux alentours. Ceci s'explique notamment par le fait que Al-Aws et Al-Khazraj, qui étaient deux tribus, ou les tribus dominantes de Médine. Les Juifs de Médine étaient leurs voisins, car il y avait des pactes entre les Juifs et les tribus de Al-Aws et Al-Khazraj. Et les Juifs, de par leur proximité avec ces tribus, les avaient informés qu'ils attendaient un prophète, et que le moment dans lequel ce prophète allait apparaître est arrivé. Et ces Juifs ont donné des descriptions de ce prophète qu'ils attendaient. Ceci a donc amené Al-Aws et Al-Khazraj, les deux tribus, d'aller rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, et lorsqu'ils l'ont rencontré, ils ont eu la certitude que c'était le prophète et l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par les descriptions que leur avait données le peuple juif de Médine. Quant aux juifs, ils ont campé et le malheur et la jalousie a pris le dessus sur eux, comme nous en a informé Allah Azzawajal dans Sourate Al-Baqara, le verset 89, quand leur vint ce qu'ils connaissaient, ils refusèrent d'y croire. Quand leur vint ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce même prophète dont ils savaient qu'il allait venir et dont ils savaient que c'était, que le moment était arrivé, quand leur vint, quand est venu à eux ce qu'ils connaissaient parfaitement, pour ça que dans d'autres versets, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ, ils connaissaient le prophète Hassan comme ils connaissaient leurs propres enfants. Mais malgré cela, ils refusèrent d'y croire. كَفَرُوا بِهِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي مَكَّةَ فِي أَذَى شَدِيدٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَذِنَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِجْرَةِ أَوَّلًا إِلَى الْحَبَشَةِ ثم لما أسلم كثير من أهل المدينة صارت الهجرة إلى المدينة وحين خاف أهل مكة من هذه الحال اجتمع ملأهم ورؤساؤهم في دار الندوة يريدون القضاء التام على النبي صلى الله عليه وسلم فاتفق رأيهم أن ينتخبوا من قبائل قريش من كل قبيلة رجلا شجاعا فيجتمعون ويضربونه بسيوفهم ضربة واحدة قالوا لأجل أن يتفرق دمه في القبائل فتعجز بنو هاشم عن مقاومة سائر قريش فيرضون بالدية فهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Les musulmans qui étaient à la Mecque subissaient de nombreuses représailles de la part des polythéistes de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors autorisé à ces musulmans oppressés d'émigrer tout d'abord vers l'Abyssinie. Puis, lorsque beaucoup d'habitants de Médine se sont convertis à l'islam, l'émigration se faisait non plus vers l'Abyssinie, mais vers la ville de Médine. Et lorsque les polythéistes de la Mecque ont pris peur de cette situation, leurs notables, ainsi que leurs représentants et leurs chefs, se sont réunis dans la maison Dar al-Nadwa, dans laquelle ils ont décrété et ils ont décidé de mettre un terme à la vie du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et ils se sont mis d'accord de choisir de chaque tribu de Quraysh l'homme le plus vaillant et le plus courageux. Et tous ces hommes choisis de chacune de ces différentes tribus qui composent Quraysh, eh bien, ils se réuniront et frapperont le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur épée comme un seul homme. Et ils ont dit, ils ont justifié leur choix afin que le prix du sang, afin que le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit dispersé chez toutes les tribus et que la tribu de Banu Hashim, qui est la tribu du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ne puisse pas faire face à l'ensemble des autres tribus, notamment en demandant la loi du talion, en demandant que tous ces hommes appartenant à différentes tribus soient tués car ils ont tué l'un des leurs. Ainsi, ils ont décidé cela afin que la tribu de Banu Hashim se trouve incapable et impuissante à demander que la loi du talion soit appliquée. Et ainsi, lorsque la loi du talion n'est pas appliquée, quelle est l'autre solution ? C'est le prix du sang. Que le prix du sang soit versé et donc qu'il opte non pas pour que la loi du talion soit appliquée, mais plutôt que le prix du sang soit versé et ainsi chaque tribu verserait sa part. C'était donc une ruse de leur part. Ils rusent et Allah ruse et Allah est le meilleur des ruseurs. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعزم على الهجرة وأخبر أبا بكر بذلك وطلب منه الصحبة فأجابه إلى ذلك وخرج في تلك الليلة التي اجتمعوا على الإيقاع به وأمر عليا أن ينام على فراشه وخرج هو وأبو بكر إلى الغار فلم يزالوا يرصدونه حتى برق الفجر فخرج إليهم علي فقالوا أين صاحبك قال لا أدري ثم ذهبوا يطلبونه في كل وجهة وجعلوا الجعالات الكثيرة لمن يأتي به وكان الجبل الذي فيه الغار قد امتلأ من الخلق يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وأنزل الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم فهاجر إلى المدينة واستقر بها وأذن في القتال وأذن له في القتال بعدما كان قبل الهجرة ممنوعا لحكمة مشاهدة فقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وجعل يرسل السرايا. Puis la révélation est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La révélation informant au prophète sallallahu alayhi wa sallam du complot sur lequel s'étaient mis d'accord les polythéistes de la Mecque. Allah Azza wa Jalla a donc informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a donc pris ses dispositions pour émigrer. Et il a informé Abu Bakr, il lui a demandé de l'accompagner dans ce voyage. Abu Bakr radiallahu anhu a bien sûr répondu à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont sortis cette même nuit dans laquelle les polythéistes avaient réuni ces différentes personnes afin de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, avant de partir, a ordonné à Ali de dormir sur son lit. Il est donc sorti, sallallahu alayhi wa sallam, accompagné d'Abu Bakr en direction de Médine et ils se sont notamment réfugiés dans cette grotte. Les polythéistes sont restés aux abords de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam en attendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte pour le tuer d'un seul coup. Ils ont donc attendu et ont guetté la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que l'aube apparût. Et c'est alors que Ali radiallahu an sortit de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit « Où est ton compagnon ?» Il a répondu « Je ne sais pas ». Ils ont donc parti à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout azimut, en partant dans toutes les directions. Et ils ont même mis en place une prime et des grandes sommes d'argent qu'ils offriraient à celui qui leur apporterait le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et la montagne, ou plutôt la grotte dans laquelle s'est réfugié le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son compagnon Abu Bakr bourgeonnait d'hommes. Les alentours de cette grotte bourgeonnaient d'hommes qui recherchaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point qu'Abu Bakr radiallahu anhu a dit « Ô envoyé d'Allah, si l'un d'entre eux regardait à ses pieds, il nous verrait. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr « Ô Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes dont Allah est le troisième ?» Et Allah azza wa jal a notamment révélé dans ce contexte le verset 40 de sourate At-Tawbah lorsqu'il dit azza wa jal selon le sens « Si vous ne lui donnez pas victoire, eh bien Allah lui a donné victoire lorsque l'ont expulsé les mécréants et qu'ils étaient tous deux dans cette grotte lorsque son compagnon lui dit « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous ». Allah azza wa jal fait donc descendre sur eux la quiétude et les a soutenus par des soldats qu'ils ne voyaient pas. Et Allah azza wa jal a fait en sorte que la parole des mécréants soit la plus basse et que la parole d'Allah soit la plus haute. Et Allah est le Tout-Puissant et le Tout-Sage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc continué son voyage et son émigration à Médine. Médine, la ville dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installa et une ville dans laquelle Allah Azza wa Jal lui a ordonné de combattre auparavant le combat était interdit avant l'émigration et ceci de par une sagesse de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a autorisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre les non-musulmans, notamment dans le verset 39 de Sourate Al-Hajj, où Allah Azza wa Jal dit selon le sens « Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués, c'est-à-dire de se défendre, car vraiment ils sont lésés, et Allah est certes capable de les secourir. « Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir de ce moment, commencer à envoyer différents soldats pour accomplir des expéditions militaires. On continuera, inshallah ta'ala, la suite de l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la semaine prochaine, concernant le cours de dimanche, il ne pourra pas avoir lieu ce dimanche. Donc le prochain cours, inshallah ta'ala, aura lieu mardi prochain, bi'idhnillah ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.